troisième temps de notre série consacrée à la bande dessinée qui s'historicise et qui se muséifie ce matin, balade dans une des deux expositions consacrées ces temps-ci à Paris à René Goscinny. Balade nous permet de découvrir de multiples aspects moins connus de l'œuvre du père d'Astérix. Né en France en 1926, de deux familles juives récemment immigrées de Pologne et d'Ukraine, René Goscinny rejoindra l'Argentine, où est parti travailler son père, à l'âge de 2 ans. Il y vivra jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et son père décédé pendant la guerre. Il rejoindra, à ce moment-là, à la fin de la guerre, les États-Unis, dont les films et les dessins animés ont nourri son enfance argentine. Il y rencontrera une bande de dessinateurs, dont Jigé et Maurice, avec laquelle il reviendra travailler en Europe une fois le rêve américain dissipé. Jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, visite de l'exposition consacrée au père d'Astérix, du grand vizir Iznogoud ou encore du petit Nicolas. Cette exposition donc au musée d'art et d'histoire du judaïsme avec Victor Massé de Lépinay qui a préparé cette semaine avec nous, avec Anne-Hélène Hogg et Jean-Pierre Mercier. $500 millions d'exemplaires de livres et d'albums vendus dans le monde, 200 millions de Lucky Luke, 320 millions d'Astérix, 15 millions de Petit Nicolas. Les œuvres de Goscinny ont été traduites en 150 langues, Astérix en 120 langues, Iznogoud et Lucky Luke en plus de 40 langues. Avec Goscinny et Uderzo, Jean Pistolet, Luc Junior, Benjamin Benjamin, Poussin et Poussif, la famille Moutonnet, la famille Coq-à-l'âne, Bill Blanchard, Oumpapa, Idée fixe, et puis ensuite Astérix le Gaulois, La Serpe d'Or et bien d'autres albums avec Maurice et d'autres. On est dans la salle d'ouverture de cette exposition dont vous êtes la commissaire générale au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à Paris. Anne-Hélène Hogg, bonjour. Bonjour. Cette exposition est consacrée à Goscinny, tandis que nous sommes également avec Jean-Pierre Mercier. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Vous êtes, vous, un des commissaires de l'exposition qui se tient ces temps-ci, donc également à la Cinémathèque autour du cinéma de Goscinny. Deux expositions qui sont concomitantes, mais vous avez participé aussi au catalogue de cette exposition-ci. Hommage. Alors, quand on voit défiler en ouverture de cette émission tous ces titres, la première chose qui frappe, c'est la prolixité d'une œuvre qui s'est construite en tout compte fait un peu plus de 20 ans, 25 ans à tout casser. Oui, au maximum. Oui, tout à fait. Et on voit surtout la capacité de Goscinny à travailler avec des et à établir de longues collaborations très fructueuses avec des personnalités très différentes, des artistes très différents, tels que Uderzo, Maurice, Zampé ou Tabary. On voit également tous les autres artistes avec lesquels il a travaillé. Souvent, on a oublié cette histoire-là, que cet homme s'est construit comme scénariste. Il n'était pas né scénariste, il était écrivain, certes, il savait faire à 15 ans, mais il ne savait pas écrire des scénarios, il a appris à le faire. Et c'est une œuvre très impressionnante quand on considère ce que nous connaissons dans le grand public aujourd'hui. Alors nous sommes dans cette première salle qui insiste sur la généalogie. D'ailleurs, il y a un arbre généalogique de René Goscinny, le père d'Astérix le Gaulois, qui nous plonge donc en Ukraine, qui nous conduit donc du côté de l'Est de l'Europe, d'où sont originaires les deux familles qui vont voir naître le jeune René Goscinny en 1926. Oui, précisément, on insiste sur le fait que Goscinny n'a introduit aucune histoire juive dans son œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence au judaïsme. Il a vécu en universaliste et créé en universaliste absolu. Or, il a été, on le voit dans cette exposition, profondément conscient de son histoire familiale. C'est d'ailleurs ce qui l'a rendu conscient aux impératifs du monde, je dirais, aux choses humaines de son temps. Et il vient d'une famille, les Beresnia, qui viennent d'Ukraine, et l'autre famille, les Goscinny, viennent de Varsovie. Et il est le fruit, en fait, de deux familles immigrées en France parce qu'elles croyaient dans la culture française profondément, que la culture française, ça représentait la fin de l'affaire Dreyfus, même si certains sont arrivés avant la grâce du capitaine Dreyfus, la réhabilitation même du capitaine Dreyfus. Et il vient d'une famille aussi pour laquelle la langue française a incarné un modèle culturel, chose qu'on le retrouvera plus tard en Argentine. Victor Massé de Lépinay. Oui, alors donc ces deux familles se sont installées à Paris au début des années 1900. René Goscinny, lui, est né de deux parents qui venaient d'être naturalisés français. Il a été naturalisé français un mois avant sa naissance, on peut dire. à peine un mois avant. Donc je pense qu'il est né français, ce qui était le privilège. D'ailleurs, le père de Marcel Gottlieb disait « Toi, tu as eu de la chance, tu es né français. Moi, il faut encore que je demande la nationalité. Hein. » Et cette importance de devenir français ou de naître français dans les familles immigrées juives était tout à fait essentielle. Ceci dit, il ne reste pas français en tant que tel longtemps, puisqu'il va devenir un petit Argentin, puisque à l'âge de 2 ans, sa famille part s'installer en Argentine, à Buenos Aires, et il va y rester jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors donc, il va quitter une partie de cette famille, la famille de sa mère, qui va rester en France. Et vous insistez beaucoup sur le travail d'imprimeurs de cette famille, les Beresniak, qui vont être des imprimeurs très importants du début du siècle en France, qui vont à la fois imprimer des textes en français, mais aussi en yiddish, et qui vont avoir un rôle dans la place parisienne de l'impression et de l'édition, très important. Alors, certes, René Goscinny ne va pas les croiser, sauf quand il reviendra tous les 3 ans en vacances en France, mais vous pensez qu'il y a là une matrice, justement, de son amour du livre et de l'édition ? Absolument. Oui, je pense qu'il y a un amour de l'imprimé, parce qu'il y a, d'abord, dans l'idéal de l'imprimé à l'époque, il y a un idéal politique qui est la diffusion auprès du plus grand nombre. Et ça, c'est quand même l'ambition de quelqu'un qui était instituteur, qui s'appelait Abraham Lazer, Beresniak, et le rôle de l'imprimé est majeur dans la vie de Goscinny tout au long de sa vie. Il est resté fidèle à cela jusqu'à ce qu'il passe au film. Okay, merci. Oui, moi ce qui me semble très frappant, c'est par exemple, on retrouve ça quand il se met à travailler avec Maurice. Maurice fait des histoires qui font 15 pages, 20 pages, 30 pages, 10 pages, en fonction de l'idée. Et Goscinny arrive et il sait que pour faire un album, c'est 48 pages couleur. Donc on va faire des albums de 44 pages, 2 pages pour le titre et le faux titre, 1 page pour la fin. Et ça va être la matrice de toutes les histoires de Lucky Luke à partir du moment où il va travailler. Et pour Maurice, c'est un confort incroyable de connaître quelqu'un. Il disait en plus, il savait très bien faire l'introduction. Il y avait toujours une relance toutes les 4 ou 5 pages. Et ça correspondait aussi à la parution dans la revue qui était Spirou en l'occurrence, où il fallait pas laisser le lecteur semaine après semaine s'endormir un petit peu. Donc il y a cette connaissance profonde de ce que c'est que le papier, l'édition, le livre. Alors le livre et aussi le magazine. Ça, c'est absolument évident. Victor Massel-Épinay. Est-ce qu'on peut dire un mot encore de Stanislas Goscinny, donc le père de René, qui est parti en Argentine, nous dites-vous, quand René Goscinny avait 2 ans à peu près, en 1928. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Argentine? Qu'est-ce que c'est que la Jewish Colonization Association pour laquelle il a travaillé? Alors, ce qu'on dit moins sur Stanislas Goscinny, parce que pour expliquer pourquoi cet homme qui arrive en France et qui aurait pu s'y installer et ne plus en bouger, est reparti. Il est reparti d'ailleurs très vite. En 1910, il part au Mexique. 1910-1913, que se passe-t-il au Mexique? C'est la Révolution mexicaine. Ça, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que quand on commence à regarder les dates de près, comme j'ai dû le faire pour la chronologie, on se rend compte que le bonhomme a circulé dans certains endroits à certains moments. Il est ingénieur chimiste de chimie appliquée, spécialisé dans les sols, c'est-à-dire les ressources minières et les potentiels agricoles, ce qui est absolument essentiel pour l'indépendantisme des nations, exactement, mais aussi pour la Tunisie, puisque de 1913 à 19, enfin, pratiquement il reste quelques mois à Paris, il se retrouve en Tunisie et le gouvernement français l'emprunte au gouvernement russe, puisqu'il est encore russe à l'époque, Stanislas, pour travailler aux mines de Douaria, qui sont dans le sud de Bizerte, mine d'exploitation de cuivre. Ensuite, il part au Nicaragua de 23 à 24, il essaye de monter une plantation bananière au Nicaragua. Donc ce gars, il ne reste pas en place. C'est quand même très intéressant de voir qu'il est certes convaincu de la grandeur de la culture française, mais qu'en même temps, c'est finalement, il a une âme d'aventurier. C'est quelqu'un qui veut faire œuvre de quelque chose, difficile de savoir quoi. Et ce n'est pas par hasard non plus qu'en 27, la Jewish Colonization Association, qui établit des colons immigrés juifs, donc des réfugiés, des pogroms d'Europe orientale et des mauvaises conditions, sur des lots de terres achetés au gouvernement argentin ou à des grands propriétaires terriens argentins, que cette société le recrute, parce que c'est le gars qu'il faut pour savoir travailler dans les climats difficiles et sur les sols difficiles. Donc c'est pas n'importe quel cadre, c'est pas un petit fonctionnaire qu'on va faire venir comme ça, c'est quelqu'un qui vient avec un projet. Et on va donc quitter cette première salle pour rejoindre la seconde salle de cette exposition consacrée à Goscinny au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme. Seconde salle qui, justement, s'intéresse à ces années argentines, 1928-1938, une enfance et une adolescence argentine. C'est un moment très important que cette expérience argentine, ne serait-ce Jean-Pierre Mercier que parce que pour se rendre en Argentine, il faut emprunter un moyen de transport qu'adorera, enfin c'est du moins ce qu'il avouera beaucoup plus tard, René Goscinny quand il sera plus vieux. Ah bah oui, c'est le bateau, les paquebots, les croisières, il adore ça, jusqu'à la fin. Un des deux recueils de textes qui paraît après le succès d'Astérix, c'est « Tous les voyageurs à terre », qui est un recueil de petits textes sur tout ce qui se passe sur un paquebot pendant une croisière. C'est lors d'une croisière qu'il a rencontré sa future femme Gilberte. C'est en bateau qu'il est retourné depuis les États-Unis pour faire son service militaire en France. Il a dit qu'il a été un des soldats français de l'époque qui a dû coûter le plus cher à la République parce qu'on lui a payé l'aller-retour en croisière, donc tout allait très bien. Et il adorait ça, il adorait les bateaux. Tchernia disait que c'était quelqu'un qui avait une obsession de l'ordre et de la netteté. Il disait probablement quand il était sur un bateau et que quand on se met sur le pont, on ne voit que la ligne d'horizon, ça devait satisfaire son goût des choses comme ça, parfaites et bien rangées. Mais c'est fascinant. Et l'anecdote, il disait toujours, moi, les paquebots, c'est là où je suis bien, 30 mètres, c'est la longueur du bar. Alors, Anne-Hélène Hogg, ce jeune juif issu d'une famille qui vient d'un côté de l'Ukraine, de l'autre de Pologne, qui arrive en France en 1926, qui repart en Argentine, il aurait pu être éduqué simplement dans la langue espagnole, qui était la langue pratiquée en Amérique latine. Et non, il va être éduqué en français, et ça sera important pour lui, parce que ce français de l'éloignement, ce français lointain, c'est le français qu'il pratiquera toute sa vie, d'une certaine façon. Alors, les parents parlaient déjà parfaitement bien le français. Parce que quand on est russe ou polonais, qu'on fait les universités là-bas, on apprend le français. Parce que le modèle culturel, c'est la France. Pareil pour l'Argentine. On est tourné vers la France comme modèle culturel. Tous les écrivains argentins veulent être des écrivains à la hauteur des grands écrivains français. Et, si vous voulez, la langue française s'impose comme un grand modèle. Un modèle qui va être enseigné au Collegio Francese, où Goscinny fait ses classes depuis tout petit. Et il va maîtriser parfaitement l'espagnol, l'argot porteño, le lunfardo de Buenos Aires. Et il va également très bien maîtriser ou connaître les consonantes russes, de tout ce qu'on entend dans les rues, par exemple l'italien. Parce que Buenos Aires est une ville d'immigrés. Et ce gosse, il vit dans la rue, comme tous les gosses, qu'on soit riche ou pauvre. À un moment ou à un autre, on passe dans la rue. Et on est dans ce monde où il y a une trépidation incroyable. Et je crois que ça va lui donner une idée de la ville cosmopolite idéale. Enfin, son discours sur l'étranger est très intéressant parce que... J'aime beaucoup les étrangers. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai longtemps été un étranger moi-même. Voilà. Et il se sent argentin parce qu'il est né, il a grandi là-bas. Et la France est un truc exotique, un objet de désir, en quelque sorte. Jean-Pierre Mercier. Alors, sur les accents, il y a quelque chose qui me frappe. Je pense que c'est là aussi où il a commencé. C'est un dialoguiste génial, on ne va pas revenir là-dessus. Mais le goût qu'il avait sur les accents qu'on voit dans Lucky Luke, qu'on voit dans Astérix. Et c'est Tibet qui disait qu'une des choses que Goscinny adorait faire, c'était parler avec l'accent belge. Il pouvait faire des soirées entières avec l'accent belge qu'il maîtrisait parfaitement. Donc, il y a déjà la formation, là aussi, d'une oreille. L'Argentine, c'est important aussi pour autre chose, c'est l'ouverture vers la culture américaine. Le cinéma. Alors, nous, dans l'expo Goscinny et le cinéma, c'est ce qui nous a frappé. Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, Buster Keaton, tous les grands films de la grande époque qu'il a découvert et dont on a retrouvé, mais il y a Olivier Gonor à la Cinémathèque qui a fait les recherches, des scènes qu'on retrouve dans les premières minutes de nuit adaptées en film muet, c'est exactement les personnages de Disney Good et du Calife Haroun El Poussin, etc., etc., terme à terme. C'est complètement fascinant. Et donc il y a aussi la découverte de la culture populaire américaine. Donc, Goscinny dialoguiste, Goscinny influencé par le cinéma, il y a encore une dimension dont on n'a pas parlé dans la vocation artistique de Goscinny, c'est le dessin. Et c'est sans doute en Argentine aussi qu'il découvre le dessin et peut-être aussi la bande dessinée. On est là dans l'exposition du Musée d'art et d'histoire du judaïsme devant deux cases d'un jeune indien. Peut-être vous pouvez nous dire, Jean-Pierre Mercier, de qui il s'agit. C'est un indien qui s'appelle Upa. Ça nous évoque... Dante Quinterno, qui est le grand nom, l'équivalent un peu de Hergé en Argentine, on va dire, qui est donc l'inventeur de ce personnage, qui s'appelle Pato Luzu. Et c'est marrant, parce que c'est un couple, il y a un grand maigre et un gros, donc ça peut rappeler des choses. Et les Argentins, certains disent, Goscinny a tout piqué à Quinterno. Je pense qu'on peut peut-être relativiser un peu les choses et de dire que Quinterno, comme Goscinny à l'époque, ils ont vu Laurel et Hardy. Voilà, tout simplement. Moi, en tout cas, c'est ma version de la chose. Et après tout, il peut être aussi influencé par Patoruzu, il n'y a pas de problème. Et Patoruzu qui est considéré comme le classique argentin de bande dessinée aujourd'hui. Enfin, tout le monde connaît ça, c'est partie de la culture populaire. Donc ce qui est intéressant avec Goscinny, c'est que depuis l'Argentine, il apprend la culture française au collège. Il a l'ouverture vers la culture américaine. Il a toute cette connaissance intime de l'Argentine et de toute cette culture des rues et de choses comme ça. Et donc, ça fait quelqu'un qui est un peu partout. Il est français, mais pas complètement. Il est argentin, mais pas complètement. Il regarde la culture américaine de loin. Il est fasciné par ça, comme tous les gens de sa génération. Et la grande fascination, j'ai oublié d'en parler, c'est évidemment Mickey. C'est Disney. Tchernia disait, vous tous là, Uderzo, Goscinny, Peyo, vous êtes la génération Mickey. Et c'est vrai. Oui, Anne-Hélène Hogg, il faut quand même dire aussi que ce Goscinny va vivre la guerre de loin, mais va évidemment connaître aussi tous les tremblements d'une famille juive dont beaucoup de ses membres sont restés en Europe et dont beaucoup vont disparaître aussi pendant la Shoah. Oui, absolument. Depuis 1933, déjà, la JCA, la Jewish Colonization Association, voit arriver des immigrés juifs allemands ou même tout simplement fuyant la dictature nazie. Il y a une sensibilisation à la situation politique en Europe dès le début des années 30, d'autant plus qu'il y a de très fortes tensions concernant la démocratie en Argentine. Et je crois qu'il ne faut pas oublier aussi que le sort de la famille, à partir de 1939, 40, puisque une partie de la famille part en zone sud durant l'exode et va y rester. Donc il y aura dans cette famille trois déportés qui sont frères, enfin, en fait quatre déportés, les trois frères d'Anna, Léon, Maurice et Volodia, la mère de René Goscinny, donc trois frères Beresniak, et puis un beau-frère également qui est l'époux de Cécile Beresniak qui s'appelle Salomon Darevski, et ça fait quatre disparitions. Et la famille tente de les aider par l'intermédiaire des réseaux, justement, associatifs juifs. Ils vont les faire aider en faisant passer de l'argent, en leur envoyant, par exemple, des boîtes de sardines. Ça semble rien, mais les boîtes de sardines, ça veut dire une survie quasi garantie. C'est-à-dire que vous avez une nutrition, vous avez une conservation et vous avez un moyen d'échange. C'est de l'argent, les boîtes de sardines. Et c'est une façon d'aider qui est extrêmement concrète. C'est pas seulement de l'argent qu'on envoie comme ça, qu'on peut l'enlever, mais c'est une façon de subsister réellement. Et cette famille vit au rythme des lettres qu'ils reçoivent de Cécile Darevski, qui est réfugiée en zone sud avec son père, Abraham Nazar Beresniak. Donc la douleur a été très forte. Mais dès 40, il y a une forte mobilisation parce que Stanislas Goscinny a une perception aiguë des enjeux politiques. Et dès août 40, il adhère au comité de Gaulle de Buenos Aires. C'est assez incroyable parce que qui connaît de Gaulle à l'époque, franchement, en Amérique latine, si ce n'est des Français qui ne voudraient pas être du côté de Pétain. Et donc ça veut dire créer un comité de Gaulle et il y adhère immédiatement. Donc on imagine des conversations à table et du coup on comprend comment les positions de la famille se sont faites dans cette opposition au nazisme. On sait qu'à l'époque, René Goscinny a 14 ans au moment de la défaite de 1940, puisqu'il est né en 1926. Et dans ces années-là, eh bien, il dessine. Il dessine, et là on se trouve devant un certain nombre de caricatures dessinées par Goscinny. On voit Hitler, on voit Mussolini, un peu plus loin on voit Churchill, donc, et aussi toute une famille d'Allemands, la famille Müller, donc, qui ont différents grades dans la Gestapo, dans la SS ou dans la Luftwaffe. Jean-Pierre Mercier, il y a un trait pour un jeune homme de 14 ans qui est assez sûr et un certain talent quand même. Ah ben, il est doué, oui. Il aime ça, ça se voit. Parce qu'il y passe du temps, il a le sens de la caricature. Alors, il vient pas de nulle part, il connaît la presse locale, parce qu'il y a de très bons dessinateurs en Argentine. Et puis, il connaît sans doute aussi la presse américaine. Et il est très au courant aussi de l'histoire de la caricature. Moi, ça me semble évident. Il connaît des caricaturistes français. La tête d'Hitler qu'on voit là sur ce grand panneau en haut à gauche, elle me rappelle les caricatures d'à partir de 33 qu'on pouvait trouver dans la presse française. C'est complètement évident. Ouais. Pour 14 ans, il a, comme on dit, il y a du potentiel. Hein. Il savait faire. Et le dessin va rester la grande affaire de sa vie pendant quelques années encore. C'est sa grande passion. C'est comme ça qu'il se rêve. Je pense que dans le fond, il fait le même calcul, je pense, que beaucoup de ceux dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire Uderzo, Peillot, qui ont rêvé, eux, après la guerre. Uderzo, Peillot, Franquin ont essayé le dessin animé en Europe. Évidemment, ça n'a pas marché. Ils se sont reconvertis vers la bande dessinée. Je pense que Goscinny a fait pareil. C'est-à-dire que la bande dessinée, c'est un peu compliqué. Quand il part aux États-Unis, c'est parce que je voulais travailler avec Walt Disney, sauf que Walt Disney n'était pas au courant. Donc ça s'est pas fait. Mais c'est vraiment ça. Son but, c'est ça. C'est le dessin, et en particulier le dessin animé. Mais le dessin de presse, il est très très bon pour ça. Puis cette Seconde Guerre mondiale va faire que René Goscinny va connaître un drame personnel, la disparition de son père en pleine Seconde Guerre mondiale, Hélène Hogg. Oui, Stanislas décède à la fin de l'année 1943. René a eu son baccalauréat quelques semaines auparavant. Et ça, c'est une chute dans la famille. C'est à la fois un grand deuil, mais c'est aussi une perte de statut social extrêmement brutale, qui n'est pas très étonnante pour l'époque, hein, quand les maris décédaient et que les femmes se retrouvaient dans la précarité. Donc Anna Goscinny et son fils René vont devoir aller travailler. Parce que Claude, qui finit ses études d'ingénieur, c'est lui qui promet, donc c'est lui qui peut porter la famille après. Et René Goscinny va travailler d'abord pour un publicitaire, il va faire en Argentine, il va essayer de trouver un moyen de subsister, mais les temps sont très durs. Et finalement, c'est un oncle de René qui les invite, qui lui est un anarchiste qui s'est réfugié à New York très tôt. Qui les invite à le rejoindre à New York parce qu'il a aussi une profession où on salit du papier. Il est imprimeur également. Il s'appelle Boris Bereznyak. Il invite Anna et René à le rejoindre à New York, d'où l'aventure new-yorkaise. Alors on va rejoindre justement la section de cette exposition qui se tient au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme et qui vient tout juste d'ouvrir sur Goscinny. On va rejoindre New York, mais vous voulez nous interrompre et on va s'arrêter ici. Juste pour rappeler, vous voyez les croquis, les charges, vous avez Mickey. Et puis au milieu, d'un ensemble de pages, vous avez des soldats britanniques, des hommes en parachute, Hirohito, etc. Donc on est dans... À ce moment, tout vient pêle-mêle. C'est-à-dire qu'il est dans une période, dans les années 40, 41, jusqu'en 43, où tout lui vient pêle-mêle dans ses carnets de croquis. Et c'est très intéressant de voir qu'il a autant dessiné des paysans dans les colonies juives que... des personnalités qui faisaient la une de la presse ou des actualités du cinéma d'ailleurs, d'où peut-être ces très bonnes charges qui épinglent les caractères des personnages. Oui, on n'est pas très loin de ce qu'il y aura dans les années 70 dans Le meilleur du pilote, à savoir Morchouane. On peut reconnaître dans ce Staline, ce Churchill ou celui qui est en face de vous, Jean-Pierre Laval, Mercier, un Pierre Laval qui est incroyable. Qui est terrible, il est absolument terrible. Il a donc un visage qui vire au vert, avec une barbe qui pousse et dont on voit qu'elle est assez drue. Ses deux moustaches font comme une sorte de chevron au-dessus de ses lèvres. Et puis, il a une grosse mèche en deux parties, noire comme ses cheveux, et il serre les dents avec beaucoup de haine. C'est le Pierre Laval tel que le voit depuis l'Argentine René Goscinny. Oui. Et là, on est plus dans une tradition de caricature. Vous parliez de Morchouane et Milatier qu'on fait, et avec Ricord qu'on fait les grandes gueules, qu'on fait les grands jours de pilote dans les années 70. Mais là, on est plus dans la tradition de la caricature du côté d'Al Hirschfeld, qui est le grand caricaturiste avec David Levine. La tradition du trait tout simple, où on définit un profil ou une tête comme ça avec deux ou trois traits, et on va à l'essentiel. Et Goscinny est vraiment, vraiment très très fort pour ça. C'est une tradition aussi qui rappelle celle de l'assiette au beurre. C'est-à-dire la figure, c'est vraiment le trait anticapitaliste. Mm-hmm. On retrouve tant chez Churchill avec son Stiga que chez Laval une exagération dense des personnages. Et une tête au carré donc, que l'on va quitter pour rejoindre donc cette... petite partie consacrée à la survie de la famille à New York, mais c'est une survie qui va être une promesse de nouveau départ, pourrait-on dire, parce que c'est là que Goscinny va d'abord affiner son trait de dessinateur, affiner également son travail de scénariste et rencontrer la plupart de ceux qui vont devenir ses amis, ses proches dans le milieu de la bande dessinée. Jean-Pierre Mercier. Je crois que les grands hommes, c'est aussi ceux qui savent rencontrer les bonnes personnes. Et que Goscinny, l'air de rien, il arrive à New York et il tombe sur Harvey Kurtzman, Bill Elder, Jack Davis, John Severin, Dites pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la bande dessinée, qui sont ces hommes. La crème, avec Bernie Krigstein, c'est la crème des meilleurs dessinateurs et du plus grand scénariste, Harvey Kurtzman, de la bande dessinée américaine de l'époque, franchement. C'est le futur Mad qui va sortir en 52, qui sort tout armé de la tête de Kurtzman. Et Goscinny est le copain de ces gens-là. Et ça, bon, rien que ça, c'est déjà fascinant. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il rencontre cette bande d'Américains et il rencontre à peu près en même temps une autre bande, une bande franco-belge, belge presque même intégralement, qui est la bande Jigé, Franquin. Alors, Jigé est un personnage complètement farfelu. Joseph Gillin. Joseph Gillin, le grand créateur de Blondin et Cirage et surtout de Jerry Springer, qui est la matrice du western européen, qui a beaucoup marqué Giraud avec Blueberry et plein d'autres. Et Jigé est un personnage assez incroyable. Il est persuadé, il n'a pas entièrement tort d'ailleurs, qu'avec la guerre froide, la Troisième Guerre mondiale est imminente, et entre les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? L'Europe. Et donc qui va prendre les bombes? C'est les Européens. Et donc il prend sa femme, ses quatre enfants, plus deux jeunes dessinateurs qu'il a chez lui, qu'il est en train de former, qui s'appellent André Franquin et Maurice, et toute cette osma-là part aux États-Unis, arrive à New York, traverse les États-Unis. Enfin bon, c'est une histoire absolument... invraisemblable, qui est devenu d'ailleurs une bande dessinée de Yann et Schwartz, qui est paru il y a quelques années. Le tome 2 est en cours, je crois. Et c'est un truc, mais inouï. Et dans ces pérégrinations, ils vont rencontrer le jeune René Goscinny. Et Goscinny va faire un scénario pour Jigé. Jigé va lui dire, j'ai une petite idée de dessin animé, on pourrait peut-être essayer de faire un truc aux États-Unis, on va trouver un producteur, tu pourrais pas me développer un scénario? Il est encore dessinateur à l'époque, hein. Et Goscinny, oui, je vais le faire. Maurice voit ce scénario et après coup il dira, j'ai vu, c'était tout simple mais c'était parfait et ça m'a beaucoup impressionné. Et Maurice dit, écoute, si tu as des idées de scénario pour mon personnage Lucky Luke, je suis preneur. Et donc c'est comme ça que petit à petit il se rapproche de ce que va être sa carrière future. Alors, cette carrière future n'est pas encore totalement dessinée. Anne-Hélène Hoeck, quand il se trouve à New York, entre 1945 et 1951, il va d'ailleurs faire un aller-retour en France pour aller faire son service militaire du côté d'Aubagne, il le racontera, donc dans les montagnes du sud de la France. Et à ce moment-là, il est encore le dessinateur qu'il espère être, pas simplement un scénariste. Il fait aussi des petits livres que nous avons sous les yeux, qui sont absolument extraordinaires, les Jigsaw Puzzle Book, par exemple, et Jolly Jungle, par exemple. Mais aussi, il continue, et peut-être là on peut y voir une fidélité à son père, qui s'était engagé, vous nous l'aviez dit très tôt, pour soutenir le général de Gaulle, dans des caricatures qui sont absolument extraordinaires du général de Gaulle. Là, on se trouve dans les années 1948, lorsqu'il est à New York. Oui, le retour du service militaire ne lui apporte pas ce qu'il s'en était promis. C'est-à-dire qu'en 1947, quand il revient à New York, il va rencontrer, il cherche du travail. Et ça, c'est le grand drame de Goscinny à New York, c'est qu'il n'a jamais réussi à percer. Il n'a pas pu travailler de manière régulière et réussir à se construire une carrière aux États-Unis dans le dessin, que ce soit comme illustrateur de livres dont il s'était proposé, dont il se promettait que ça pouvait l'amener vers le dessin animé précisément, parce qu'on recrutait dans le monde de l'illustration du livre pour le dessin animé. Et en fait, les petits livres décorés avec les formes assez peu conventionnelles que vous avez là, Around the World, Jolly Jungle ou My Little Red Car, ce sont des choses qu'il a faites avec Kurtzman, et on voit bien l'idée de Kurtzman, on perçoit, on voit le lettrage de Kurtzman aussi sur les couvertures, tandis qu'à l'intérieur vous avez le texte, les dessins sont de Goscinny, les textes sont d'Eliot Leibow ou d'un autre auteur, et puis vous avez ces Little Puzzle Books qui sont posés là, mais ça c'est le tout venant, je dirais, c'était la grosse production du livre pour enfants. Donc il a réussi, grâce à Kurtzman, à travailler pour Conan Publisher pendant un moment, mais il n'a absolument pas réussi à percer, et les images de De Gaulle que vous voyez là traduisent en fait son besoin d'essayer de trouver une voie par le dessin de presse. Or, c'est pas un grand dessinateur de presse, il est extrêmement raide, extrêmement figé, c'est ce qui se fait à l'époque pour les couvertures du New Yorker ou de American Journal, et donc il est dans quelque chose de très convenu que tout le monde peut faire, donc il ne se singularise pas. Et d'ailleurs, on va quitter ce petit secteur pour rejoindre les étages en dessous, dans ce musée d'art et d'histoire du judaïsme, pour rejoindre donc les salles qui sont celles d'après la guerre, pourrait-on dire, et en particulier ce travail qu'a pu faire Goscinny avec d'autres personnages, d'autres dessinateurs, qui sont ceux qui vont former les couples de travail, Goscinny-Uderzo, Goscinny-Tabary, Goscinny-Maurice, on va tous les voir à l'étage en dessous. 1952, et on est toujours dans ce moment où René Goscinny pense qu'il va peut-être continuer à dessiner, puis d'un seul coup comprend Jean-Pierre Mercier que ça n'est plus le cas. Il va devoir désormais vivre autrement et être un bon scénariste, même le meilleur des scénaristes, pour de bons dessinateurs qui sont ses amis. Uderzo faisait ses scénarios, mais c'était un peu la petite semaine, il n'était pas à l'aise avec ça, il se sentait beaucoup plus à son aise et dans son domaine avec le dessin. Et de l'autre côté, Goscinny dessinait les aventures de Dick Dix, qui sont pas, c'est pas indigne, hein, c'est du dessin tout à fait dans l'esprit de l'époque, mais il a du mal, c'est compliqué. Et un jour, je pense que Uderzo a dû lui dire, écoute, laisse tomber, t'es meilleur à faire des textes pour moi, et puis on peut essayer de faire des choses. Et à partir de ce moment-là, il devient René Goscinny. C'est dans les années 50, et effectivement, à partir de là, il va se mettre à travailler, mais vraiment, littéralement, comme un possédé, parce que la machine à écrire qui est à l'entrée de l'expo, il s'en est servi. Alors, c'est une machine américaine, c'est un clavier QWERTY, il l'a gardé jusqu'à la fin, et il travaille là-dessus, mais au kilomètre, enfin, et tous les dessinateurs qui l'ont vu travailler, mais il y a des anecdotes nombreuses, mais moi, il y en a une de Christian Godard, on m'avait raconté ça, il disait, il devait faire un scénario, je suis arrivé, il était un peu en retard, il s'est mis à la machine à écrire, il a mis sa feuille, les deux doubles avec les carbones, à l'époque, il y avait encore les carbones, et il a descendu la page devant moi, d'un coup, sans s'arrêter, sans rature, sans rien, il a tiré les feuilles, il me les a données, il m'a dit, et voilà, et il est parti. Et donc c'était vraiment cette espèce de facilité à produire qui est sidérante. Alors comme on s'approche de la partie de l'exposition qui est consacrée aux collaborations, Maurice, Uderzo, Saint-Pé et Tabary, je voudrais m'attarder un tout petit peu sur la collaboration avec Maurice en 1955, puisque ce n'est pas donc Goscinny qui a créé Lucky Luke, c'est Maurice tout seul, mais en 1955, Goscinny commence à écrire les aventures de Lucky Luke et va être le scénariste de 40 aventures, un peu plus, peut-être 41. Une quarantaine, je ne sais plus exactement, moi je suis fâché avec les chiffres, alors c'est toujours un problème. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle un peu plus souvent peut-être d'Astérix, mais que pour Maurice, Goscinny est un scénariste donc extraordinaire sans doute, mais ce n'est pas les mêmes ressorts, ce n'est pas les mêmes ficelles, ce n'est pas le même humour exactement qui est déployé dans Astérix que dans Lucky Luke. Moi j'ai c'est d'avoir travaillé sur Goscinny et le cinéma, je me suis bricolé ma petite théorie. Je pense que Astérix, y compris dans le dessin d'Uderzo, c'est plus du côté de Laurel et Hardy, hein, des personnages un peu gros, un comique formidable, mais qui est plus alors avec évidemment de multiples couches parce que Goscinny est capable de travailler à plein de niveaux. Du côté de Lucky Luke, on est plus du côté de Buster Keaton. C'est vraiment une mécanique parfaitement au point. Et c'est fascinant. Et ce que fait Goscinny, c'est qu'il réfléchit, il regarde l'univers de Maurice, et en fait, il va en garder ce qui, lui, lui semble le plus intéressant. Et quand on regarde Lucky Luke, en fait, ça fonctionne sur les personnages célèbres de l'Ouest, qui permettent de revisiter les westerns, donc Jesse James, Billy the Kid, Calamity Jane, avec les références. Et moi, je ne connais pas le western suffisamment, mais là, en travaillant avec les équipes de la Cinémathèque, c'est fascinant. Là aussi, il connaît des scènes entières. Alors, il va glisser des petits clins d'œil pour les cinéphiles. Il y en a partout, partout, partout, mais c'est gigantesque. La deuxième, c'est l'histoire de l'Ouest. Alors, évidemment, l'implantation du rail, les locomotives, les choses comme ça. Et puis, le troisième, c'est une fois qu'il va avoir créé Rantanplan, et puis ressusciter les Dalton que Maurice avait créé, c'est la petite famille. Et en fait, quand on regarde, les albums sont à peu près alternativement fonctionnent sur ces trois pieds-là. Comme Astérix, c'est les histoires dans le village, les histoires qui sont très à l'extérieur, les histoires avec César, des choses de ce genre. Alors, je vous propose de quitter cette mezzanine qui est pourtant très riche en dessins de toutes sortes avec des planches absolument splendides, de Jigé de ce côté-là ou encore d'Edouard Pape lorsque Goscinny commence à travailler avec lui pour rejoindre la dernière salle en dessous, les salles qui sont tout en bas de ce musée d'art et d'histoire du judaïsme, là où on va trouver justement à la fois les collaborations avec d'autres dessinateurs mais également la création d'un journal qui rendra donc René Goscinny très célèbre, à savoir Pilote. Alors nous sommes dans une petite salle aménagée au milieu de ce sous-sol, ici au musée d'art et d'histoire du judaïsme, à Nellenhog. Et nous sommes face à une vitrine qui est importante parce que c'est une vitrine avec des incunables, pourrait-on dire, de la bande dessinée, comme il y a des incunables pour la création des années du 15e siècle. Là, ce sont les premiers numéros, voire les numéros zéro de ce journal pilote, donc lancé en 1959. Oui, c'est le pas décisif qui va révolutionner réellement le monde de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'avec Uderzo, Charlier, Jean Hébrard, Goscinny se lance enfin dans l'entreprise qu'ils voulaient tous démarrer, qui était changer le type de journaux pour la jeunesse où figurait la bande dessinée. C'est-à-dire redonner un nouveau ton à la bande dessinée, impulser quelque chose de différent. L'histoire de la bande dessinée, c'est avant tout une histoire générationnelle. C'est un peu comme les histoires de l'art. On va pas revenir sur Karl Mannheim, etc. Mais on est vraiment sur une notion très générationnelle. Et l'époque de J.G., elle se termine pratiquement. C'est-à-dire que dans la presse, il y a un ensemble de jeunes créateurs qui ont envie de passer à autre chose. Et notamment, le modèle américain, bien sûr, les a marqués. Mais ils se disent que ce modèle américain peut être intégré à leur mode de travail. Et donc, créer Pilote, ça a été, aujourd'hui nous parlons d'un laboratoire, etc., mais ça a été une émancipation extraordinaire pour ces hommes qui n'étaient pas si jeunes que ça, hein, parce qu'ils avaient quand même du bagage derrière eux en 1959, c'est pas des jeunes de 20 ans. Ce sont des hommes qui ont fait une expérience, une carrière dans la bande dessinée, qui décide que, ça y est, on passe à autre chose, on va faire un nouveau modèle. Et c'est tout à fait là que réside la révolution, c'est-à-dire qu'ils vont affirmer le rôle de l'auteur, le statut de l'auteur, pour lequel ils se sont battus en 1954. Goscinny et Forton ont été renvoyés, Charlier et Uderzo ont démissionné par solidarité, Hébrard également. Mais si vous voulez, ils créent, enfin, d'une façon militante, un journal dans lequel ils pensent pouvoir donner une nouvelle approche. Alors, ce qui est amusant, Jean-Pierre Mercier, c'est qu'on peut imaginer que quand on connaît les années suivantes du magazine Pilote, et en particulier la fin des années 60 et le début des années 70, on a affaire à des débraillés jeunes garçons qui vont révolutionner et la bande dessinée et la presse jeunesse. Et quand on voit la couverture du numéro zéro de Pilote, on a là quand même une sorte de conseil d'administration, pourrait-on dire. Tout le monde a une veste grise, un costume gris, un manteau gris et des cravates noires. Cette photo, elle est là pour convaincre les représentants qui vont vendre le journal, les kiosquiers, les marchands de journaux, les libraires qui vont recueillir le numéro. Et puis, ne pas oublier qu'à l'époque, Pilote, ça ne peut être qu'une revue pour enfants. C'est un hebdomadaire pour les enfants. Donc là, il n'est pas question d'être débraillé. Quelques années plus tard, il n'y aura pas de problème. Mais là, ce n'est pas du tout. Ce qui est étonnant avec Pilote, Anne a raison, mais c'est aussi un peu un hasard. C'est-à-dire que le journal s'est créé parce qu'ils ont été, comme on l'expliquait, ils ont été virés. Parce qu'ils voulaient créer un syndicat qui défende les intérêts des créateurs de BD, déjà à l'époque. Et ils se sont trouvés donc un peu comme ça, pris au dépourvu. Et ils faisaient de la communication visuelle, de la communication BD, des journaux publicitaires. Et en fait, là, ils lancent Pilote. Mais c'est quand on regarde les premiers numéros, il y a Tillieu qui fait des adaptations de Zapimax parce qu'ils avaient un contrat avec Radio Luxembourg qui avait fait de la pub. Chaque numéro, il y avait une pub absolument incroyable le jour de la sortie qui était le jeudi à l'époque. Il y avait des spots tous les quarts d'heure, donc ça marchait très bien. Et on retrouve beaucoup des dessinateurs qui sont des transfuges. Certains ne signent pas, d'ailleurs. Il y a eu Binon, qui sont des transfuges de la presse belge. Il va falloir attendre quelques années avec l'arrivée de Giraud, puis après l'arrivée de Mézières, puis après l'arrivée de toute cette génération. Cabu, qui est un des premiers, d'ailleurs, effectivement. Ces jeunes dessinateurs là vont arriver, et le côté débraillé va s'affirmer de plus en plus. Et Pilote est un des rares exemples de la presse, et sans doute le seul. Quand on discute avec des éditeurs spécialisés, ils disent « il faut jamais faire ça ». Le journal a vieilli en même temps que son lectorat. Ben, je peux en parler, je suis assez âgé pour ça. J'ai commencé à l'acheter, je devais avoir une dizaine d'années, et je l'ai acheté jusqu'au bout. À la fin, j'étais étudiant et même adulte, jeune travailleur. Et ça a correspondu à la génération, en gros, du baby-boom, pour aller vite. Et c'est le même mouvement qui fait que Losfeld sort Barbarella, le même mouvement qui fait que Harakiri se crée quelques mois après Pilote, et aussi la création des premiers clubs de reconnaissance de la bande dessinée, dont Goscinny fait partie, et dont ils claquent la porte au bout d'un certain temps en disant « Moi, ces types qui passent leur temps à être nostalgiques de la bande dessinée américaine d'avant-guerre, j'en ai rien à fiche, ce qui m'intéresse, c'est la bande dessinée d'aujourd'hui. » Victor Massé-Pépinet. On voit très bien sur le mur, avec toute la une de Pilote, l'évolution du magazine, en effet, avec les premières unes très journaux pour les jeunes, pour la jeunesse, et puis ensuite l'arrivée de Bretéché, on voit des planches d'Alexis, on voit des, un peu plus loin Lozier, Anne-Hélène Haug. Au milieu de tout ça, il y a une double planche de Gottlieb qui raconte les réunions du lundi qui avaient lieu à Pilote avec toute cette bande qu'on a pu appeler débraillée, Emmanuel Laurentin. Gottlieb, ça a été quand même... Pour Goscinny, on en parle souvent, mais à la fois une amitié extraordinaire mais aussi finalement une rupture et une douleur très vive et qui s'est sans doute jamais guérie pour René Goscinny. Pas davantage pour Gottlieb d'ailleurs, qui a toujours regretté de ne pas avoir pu renouer avec Goscinny. Je pense que pour l'un comme pour l'autre, le deuil a été certain, c'est-à-dire ils n'ont pas réussi en fait à faire le deuil qui était inévitable. Un deuil dû justement à une rupture générationnelle. Une rupture générationnelle. Alors on a beaucoup dit le père, etc. Bon, tout simplement parce que Goscinny avait posé aussi des limites à une sorte de tenue du journal. Or, Gottlieb et cette génération avaient envie de faire plus comme faisait Kurtzman, c'est-à-dire Kurtzman, ce que Mad Magazine n'a pas montré certaines choses. Kurtzman s'est mis ensuite à faire des BD beaucoup plus crues, et notamment, il a aussi travaillé pour Playboy par la suite, pour Little Annie Fanny, et ils avaient envie de faire ce genre de choses, ils avaient envie de laisser exploser les cadres, en quelque sorte. Et Goscinny n'a pas du tout voulu suivre cette affaire-là, d'autant plus que la convocation, enfin, se faire traiter de patron... qui finalement exploiterait les employés, alors qu'il est précisément celui qui, avec Charlier, ont porté jusqu'au et affirmé le statut des auteurs, le respect des auteurs, ont fait des auteurs, puisqu'on voit leur portrait en haut de leur bande des pages, où sont leurs dessins dans Pilote. Donc il lui devait beaucoup, mais effectivement, il y a eu un besoin de rupture. Je dirais un peu conformiste presque, si on regarde ça, finalement, l'époque voulait rompre, les jeunes voulaient rompre avec les possédants, les patrons, etc. Et c'est ce que ce comité de rédaction montre, que Goscinny, c'est le chef qui décide. Mais il a toujours été présenté comme ça, de toute façon, on se moquait de lui toujours comme ça. Et ça, c'est d'ailleurs c'est une des particularités peut-être aussi du plaisir de Pilote par rapport à d'autres journaux de l'époque. Jean-Pierre Mercier, j'ai à peu près je suis de la même génération que vous. C'est qu'on avait l'impression d'entrer dans la fabrique de Pilote, c'est-à-dire qu'il y avait cette capacité à se regarder soi-même avec beaucoup d'humour et beaucoup de détachement aussi, qui faisait qu'on faisait partie d'une famille, on avait l'impression de participer à une famille. Ça, c'est l'héritage de Mad, mais c'est aussi l'héritage de Spirou. Hein. Pensons à Gaston. Et Goscinny avait une immense admiration pour Franquin, qui était partagée également. Et Mad, hein, quand Kurtzman faisait ses petits textes dans chaque numéro, il disait, bon, dans ce numéro, il y a un tel, and the usual gang of idiots, c'est la bande habituelle de crétins, l'habituelle bande de crétins, c'est quand même une drôle de façon de présenter les collaborateurs du journal. Et Pilote était vraiment là-dedans. Je pense qu'il y a une rupture. L'Écho des Savanes, c'est 72. Effectivement, Kurtzman, c'est, je dirais, le lot commun de toute la génération qui est arrivée dans Pilote. Blueberry, enfin, Giraud connaissait Jack Davis absolument par cœur. Gottlieb vénérait Elder, vénérait Wallace Wood, connaissaient Mad absolument par cœur aussi, tous pétillons, enfin tous. Mais je crois que le 72, c'est 5 ans après Crumb, après l'Underground. Et là, c'est Gottlieb était tenaillé par quelques virulentes envies de représentation, on va dire, un peu sexuelle, et que c'était impossible à faire dans Pilote, parce que c'est un journal qui était distribué dans les kiosques et qu'on ne pouvait pas se permettre ce genre de choses, et que la censure de l'époque veillait au grain. On l'a vu même quelques années après. Donc il y a aussi cette dimension-là. Quant au point de... Moi, ce qui me frappe de ce que disait Anne-Hélène sur le deuil impossible, c'est tous les gens qu'on croisait, Goscinny, Bretéché, on a un peu discuté avec Patrice Lecomte, qui a été dessinateur de BD, qui est maintenant réalisateur de films et ô combien, qui disait ben, j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir pu rencontrer cet homme-là et qu'on ne soit plus uniquement rédacteur en chef et collaborateur, mais qu'on puisse discuter entre guillemets d'amis à amis. Et il y a une espèce de pudeur, une tenue de Goscinny qui interdisait ça. C'est quelqu'un qui était très très compartimenté dans sa vie et qui tenait beaucoup les gens à distance, je crois. On a gagné la dernière salle de cette exposition. Malheureusement, nous ne sommes pas passés devant certaines des plus belles planches de cette exposition, soit avec Tabary, avec Isnogoud, soit avec Uderzo, qui sont derrière nous. Mais nous sommes donc dans cette dernière salle qui boucle la boucle, pourrait-on dire, avec vous, Anne-Hélène Hogg, puisque nous avons commencé avec une salle avec la machine à écrire de Goscinny, et cette machine semble taper à l'infini les nouveaux noms qui ont été inventés par Goscinny pendant toute sa carrière. Alors, on a Johnny Hallyday, Hystérique, Avantipopoulos ou encore Gracchus N'en jetez plus, qui sont tous ces personnages qui ont été inventés par Goscinny, que ce soit d'ailleurs dans Astérix, que ce soit dans Isnogoud ou dans d'autres œuvres dont il a été le scénariste. Oui, on voit ici la mécanique du compositeur, en réalité, dans cette salle, c'est-à-dire que au-delà du rire, qui était le sous-titre de l'exposition, dit qu'au-delà du plaisir du lecteur, peut aussi s'ajouter, ou à ce plaisir du lecteur, peut s'ajouter une connaissance de l'homme, mais aussi une connaissance de ses processus de fabrication du comique tel que les décrivait Bergson. C'est pour ça qu'il y a des citations de Bergson au mur. C'est la clé que moi, en tout cas, j'ai trouvée pour rentrer et pour parler de Goscinny en une seule salle, si vous voulez. C'est fascinant de voir à quel point l'un pourrait être un calque de l'autre, ou l'analyse par l'un pourrait s'appliquer à l'autre. En tout cas, ce qui est intéressant dans une connaissance de Goscinny, c'est de dire finalement son comique, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est quand on réfléchit ? Qu'est-ce qui nous fait rire alors qu'il a fait des œuvres très différentes ? Astérix, parce que n'est pas Lucky Luke, n'est pas Isnogoud, et n'est pas le petit Nicolas, et n'est pas non plus Oumpapa, etc. Donc, pourquoi rions-nous chez Goscinny, et qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, pour Pascal Horry, qui a écrit dans le catalogue l'essai sur Goscinny et l'histoire, précisément, il y a une contemporanéité de l'histoire que Goscinny va infusé littéralement ou injecté dans ses Astérix. Ce qui explique ses lectures de Jérôme Carcopino et les livres qu'il avait auprès de lui pour pouvoir préparer justement ses scénarios d'Astérix. C'est un homme qui met effectivement travailler avec précision, parce que si vous n'avez pas la précision du détail et ce qui constitue la référence commune que chaque personne peut constater en ouvrant un livre, à ce moment-là, vous ne pouvez pas créer le décalage. Si vous n'avez pas ce que chacun peut décrypter, vous ne pouvez pas introduire le comique. Et ça, c'est cet art du décalage qui est la particularité de l'art de Goscinny. Je crois que Goscinny, c'est quelqu'un, quand quelque chose l'intéresse, quelque chose le touche, quelque chose qu'il aime, il faut qu'il s'en moque. Il adorait le western, et Lucky Luke, c'est une mise en pièce du western. Il adorait, il y a un ensemble de films, il y a des citations de Pagnol, il adorait les films de Pagnol, et dans Le Tour de Gaulle d'Astérix, il y a deux scènes absolument formidables, la partie de cartes et la partie de boules, et il s'en moque. Pagnol a été enchanté, il a dit que ça y est, maintenant il était éternel. Quand il était dans Astérix, il avait l'éternité pour lui. Et ce qui est formidable aussi, vous citiez la quantité d'exemplaires qui ont été vendus, des centaines de millions à travers le monde, je pense que c'est l'auteur français le plus lu dans le monde aujourd'hui. Et quand on pense à toutes les citations, alors on sait, il est tombé dedans quand il était petit, on a ça maintenant, les chroniqueurs politiques les servent en permanence, je veux être calife à la place du calife, etc., etc. Il touche à quelque chose qui a à voir avec la nature humaine, pour moi, de très très profond. Obélix, comme Averell, sont obsédés par quelque chose de très basique qui est manger. Voilà. Et on est sur manger, l'amour, quelque part aussi de temps en temps, c'est vrai dans le domaine des dieux, le temps qui passe, la mort, les choses comme ça, mais c'est toujours traité avec une incroyable... Moi, ce qui me frappe chez Goscinny, et c'est vraiment, c'est d'une élégance inouïe, toujours. Et il était toujours très bien mis, costume trois pièces, cravate, on en parlait aussi, mais c'est parfaitement élégant dans l'expression. Victor Massé-Lépinet. La liberté est-elle dans le sac ? Quand l'indépendance est dans la poche, dans cette dernière salle, Anne-Hélène Hogg, vous avez mis des unes de L'os à moelle de Pierre Dac, qui est sans doute une des autres grandes figures tutélaires de l'humour français. Quel lien, pourquoi est-ce que vous avez convoqué Pierre Dac à la fin de cette exposition ? Goscinny l'a accompagné dans son canular de la campagne présidentielle de 1965, et il me semblait que tous les deux sont réunis par un sens de la langue extrêmement profond et ceci depuis tout jeune, c'est-à-dire que ça fait vraiment partie de leur, je dirais presque de leur ADN. Et ils n'ont aucune difficulté à donner des effets de dérision en maniant une langue qu'on aurait tendance à vouloir prendre au sérieux. Si vous voulez, au premier abord, vous voulez prendre cette langue comme une langue savante et au sérieux, donc vous commencez à gamberger, qu'est-ce qu'il est en train de dire, etc. Et vous vous rendez compte à un moment qu'il a introduit un mot qui ne vous permet plus de construire la langue comme un effet logique, mais plutôt il introduit je le disais encore, un décalage, un illogisme. Et dans le comique de Goscinny, dans sa langue, dans cette élégance, dans cette richesse de composition qui va du mot lui-même jusqu'au scénario de l'histoire, il y a effectivement, comme le disait Jean-Pierre, cette immodération du caractère qui nous fait rire, qui est donc le comique de situation, le comique de caractère décrit par Bergson. Et puis il y a surtout un côté impitoyable. Il y a dans le rire, chez Goscinny, le fait qu'il faut, pour rire, ne pas ressentir. Il ne faut pas s'apitoyer des Romains qui se prennent des claques en permanence, etc. Et on est vraiment là sur une vision morale de la, enfin moraliste de la société, telle à La Bruyère ou à La Fontaine, où Goscinny nous parle de nous parle de la nature humaine, et dit à quel point nous sommes finalement voués à demeurer nous-mêmes et à quel point nous sommes enfermés dans nos travers. Ces personnages sont drôles parce qu'ils ne changent pas. Alors on laissera les visiteurs futurs de cette magnifique exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme découvrir ce qu'est le Zetzer. Donc c'est quoi Zetzer? Zetzer, voilà. c'est le typographe en yiddish, mais voilà. En allemand aussi. Qui nous laisse donc assez interdits devant ces casiers de typographes. C'est un compositeur qui fait la page, qui fait le mot, ou lettre à lettre, etc., la phrase. Et surtout, on les laissera avec certaines de ces sentences qu'on n'oublie pas, évidemment, des scénarios de Goscinny, par exemple celle-ci, « Il ne faut pas parler sèchement à un humide ». Je vous laisse. Merci à vous, Jean-Pierre Mercier, et merci à vous, Anne-Hélène Hogg. Donc, cette exposition, merci. Ici, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, continue pendant plusieurs mois. Et puis, il faut mentionner, effectivement, l'exposition Goscinny et le cinéma, Astérix, Lucky Luke et compagnie. Le cinéma de Goscinny, c'est comme ça que ça s'appelle, oui. À la Cinémathèque française en même temps. Jusqu'au 7 mars, et qui sera remonté ensuite au Musée de la bande dessinée d'Angoulême. Quand l'appétit va tout bas, quand l'appétit va tout bas, vis dans les futailles, à nous la répaille, quand l'appétit va tout bas. Quand l'appétit va tout bas, quand l'appétit va tout bas, vive les quenottes qui croquent et grignotent, quand l'appétit va tout bas. Écoutez ce qui va suivre. Voilà pour cette balade dans l'exposition Goscinny au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, une émission préparée par Aurélie Marcier et Francesca Fossati. La prise de son était assurée par Frédéric Kérou, en direct ce matin avec nous, Anthony Thomasson à la technique, et la réalisation signée Marie-Laure Ciboulet. Demain, nous continuons et terminons notre série consacrée justement à la bande dessinée entrant dans l'histoire, en nous posant la question, y a-t-il une origine à cette bande dessinée ?